Chapitre 14e. Scaramouche devenait rêveur et moraliste depuis ses noces impromptues. En se rendant à Rome avec sa troupe, il répétait souvent « Qu'on ait, avant de se marier, médité 1 heure, 15 jours ou 6 mois, peu importe. L'acte consommé, on n'en a pas moins fait une sottise. » Marinette était toujours une ravissante créature au point de vue de la chevelure, des bras et de la taille, mais son caractère, qu'elle ne cherchait pas à contraindre, faisait du ménage un véritable purgatoire pour son mari. Capricieuse, bizarre, impérieuse, elle exprimait presque dans le même instant les désirs les plus opposés. Le carrosse roulait-il un peu vite, elle criait qu'elle allait se trouver mal. Un instant après, elle voulait qu'on fouettât les chevaux pour les mettre au galop. Au lit, elle prétendait qu'un des plis du drap lui avait enfoncé une côte. Elle se couchait gantée, après avoir enduit ses mains d'une pommade destinée à en conserver la blancheur. Comme cette pratique n'était pas du goût de Scaramouche, il s'avisa un soir de se coucher auprès d'elle, tout beauté et éperonné. Elle se montra sensible à cette remontrance en action. À Rome, il prit fantaisie à Marinette de monter sur les planches. Elle fut bientôt si entourée, si courtisée, qu'elle n'eut plus le loisir de faire enrager son mari jusqu'au moment où elle accoucha d'un gros garçon. Le cardinal Chigi voulut tenir l'enfant sur les fonds, mais son éminence, contrairement à l'usage, se retira sans laisser à son filleul la moindre marque de munificence. Scaramouche crut qu'il était de son devoir de bon chrétien de rappeler le plus tôt possible au prince de l'Église son devoir de bon parrain. Quelques jours après, sa troupe fut mandée pour jouer chez la reine de Suède et l'éminence assistait à la représentation. « Monseigneur, dit Tiberio d'une voix claire, je vous apporte une merveilleuse nouvelle. Votre filleul vient de parler. » « Et il n'a que 15 jours, fit le cardinal en riant. Cette précocité tient en effet du miracle. « Quelle parole a prononcé le bambino ? » demanda la reine, curieuse de savoir où Scaramouche voulait en venir. « Madame, l'enfant s'est plaint de son parrain qui a oublié de lui offrir un présent après le baptême. » Tous les yeux se tournèrent avec une expression railleuse vers le cardinal qui prit gaiement la chose. Il tira de son doigt un diamant qu'il remit à Scaramouche. « Tiens, voici de quoi lui fermer la bouche. » « Grand merci, monseigneur, » fit Tiberio en s'inclinant d'un air humble. « Grand merci pour votre filleul, mais je ne manquerai pas de l'envoyer vous remercier lui-même. Aussi bien il se pourrait qu'il eût encore quelque chose à vous dire. » Scaramouche, depuis que la fortune souriait à sa verve, ne songeait plus à lui forcer la main. Le sens moral se développait en lui en proportion de l'aisance que lui procurait son talent. Il se contentait désormais de provoquer par ses facéties la générosité des grands personnages. Un exemple entre 1000. Il était en représentation à Milan. Le marquis de Caracène, gouverneur du duché, lui avait fait cadeau d'une chaîne d'or. Tiberio se para du bijou pour aller remercier le marquis. Puis il suspendit au bout de la chaîne une image en papier qui représentait ce seigneur, mais qui n'avait rien de commun avec les portraits du Titien. Le gouverneur témoigna son mécontentement d'une telle irrévérence. « Monseigneur, répliqua Tiberio, je n'ai pas eu l'intention de vous manquer de respect. Si je me suis permis d'attacher à une chaîne si magnifique un portrait de si médiocre valeur, c'est que je n'ai pu m'en procurer un autre. Or je tenais, par reconnaissance, à ce que chacun pût connaître l'Artaxerxès à qui je dois ce présent royal. » Le moyen de se fâcher. Le marquis, pour établir l'harmonie entre la reconnaissance de Scaramouche et la splendeur de la chaîne, donna au rusé compère une belle médaille d'or sur laquelle était gravé son portrait.